À son retour de France, Fabrice parut aux yeux de la comtesse Pietralanera comme un bel étranger qu'elle eût beaucoup connu jadis. S'il lui parlait d'amour, elle l'eût aimé. N'avait-elle pas déjà pour sa conduite et sa personne une admiration passionnée et pour ainsi dire sans bornes? Mais Fabrice l'embrassait avec une telle effusion d'innocente reconnaissance et de bonne amitié qu'elle se fût fait horreur à elle-même si elle eût cherché un autre sentiment dans cette amitié presque filiale. Au fond, se disait la comtesse, quelques amis qui m'ont connu il y a 6 ans, à la cour du prince Eugène, peuvent encore me trouver jolie et même jeune. Mais pour lui, je suis une femme respectable, et, s'il faut tout dire sans nul ménagement, pour mon amour-propre, une femme âgée. La comtesse se faisait illusion sur l'époque de la vie où elle était arrivée, mais ce n'était pas la façon des femmes vulgaires. À son âge d'ailleurs, ajoutait-elle, on s'exagère un peu les ravages du temps. Un homme plus avancé dans la vie. Lorsque Fabrice était parti, elle espérait peu de l'avenir. Son cœur avait besoin de consolation et de nouveauté. Arrivée à Milan, elle se prit de passion pour l'opéra à la mode. Un soir, à la Scala, dans la loge d'une de ses amies, où elle allait chercher des nouvelles de France, on lui présenta le comte Mosca, ministre de Parme. C'était un homme aimable et qui parla de la France et de Napoléon de façon à donner à son cœur de nouvelles raisons pour espérer ou pour craindre. Elle retourna dans cette loge le lendemain. Cet homme d'esprit devint, et tout le temps du spectacle, elle lui parla avec plaisir. Depuis le départ de Fabrice pour la France, elle n'avait pas trouvé une soirée vivante comme celle-là. Cet homme qui l'amusait, le comte Mosca della Rovere Solezana, était alors ministre de la guerre, de la police et des finances, de ce fameux prince de Parme, Ernest IV, si célèbre par ses sévérités que les libéraux de Milan appelaient des cruautés. Mosca pouvait avoir 40 ou 45 ans. Il avait de grands traits, aucun vestige d'importance, et un air simple et gai qui prévenait en sa faveur. La franchise, la désinvoltura, avec laquelle parlait ce ministre d'un prince si redouté, piqua la curiosité de la comtesse. Mosca lui avait promis de lui faire parvenir toutes les nouvelles de France qu'il pourrait recueillir. C'était une grande indiscrétion à Milan, dans le mois qui précéda Waterloo. Il s'agissait alors pour l'Italie d'être ou de n'être pas. Le comte Mosca della Rovere Solezana, lui dit-on, est sur le point de devenir premier ministre et favori déclaré de Ranucci Ernest IV, souverain absolu de Parme, et de plus, l'un des princes les plus riches de l'Europe.